Tu ne pourras jamais retourner le silence. Il est ton sablier. Le silence est le bras du ciel, sa puissance. Il ne s'épouse pas, il est le sol même de notre vie. Il est la veine minérale des pierres sur les êtres. Il peut être silence, au cœur même du silence.